c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Certains voyages sont des allées sans retour, définitifs. Pour fuir une dictature ou la misère, par amour ou pour accomplir un rêve, des hommes et des femmes quittent leur pays natal et en découvrent un autre, très différent. Ils laissent derrière eux leur enfance, leur famille et leurs repères, se retrouvent confrontés à un nouvel univers totalement inconnu, avec d'autres codes, d'autres habitudes. La cuisine est souvent un bon moyen pour ces déracinés de garder un lien avec leur passé. Les recettes de leur pays qu'ils ont emportées dans leur bagage ont le goût de leur vie d'avant et sont autant de madeleines qui ravivent les bons souvenirs. Dans son dernier livre, La cuisine de l'exil, la comédienne et auteure Stéphanie Schwarzbrode raconte l'histoire de 24 hommes et femmes venus des 5 continents qui ont quitté leur pays pour poser leurs valises en France. Chaque témoignage est accompagné de recettes emblématiques du pays d'origine. Elle va nous raconter le lien que ces voyageurs venus de loin ont gardé avec la cuisine de leur pays. Également avec nous, le sociologue et historien de l'alimentation Éric Birloez. Nous profiterons de sa présence pour éclairer notre thème du jour. Et en fin d'émission, comme chaque lundi, Eric s'intéressera à un aliment qui a voyagé pour se frayer un chemin jusque dans nos recettes. Aujourd'hui, la vanille. Voilà pour le menu de la deuxième partie de notre bivouac. J'ai toujours rêvé de ce plat que me préparait ma mère. Ça s'appelle le mfumbwa au poisson salé. Le mfumbwa au poisson salé, mfumbwa, ce sont ces herbes dont je ne peux pas donner le nom français parce que les Français ne l'ont pas. Mais en tout cas, on imaginera que c'est comme des épinards, mais ce n'est pas comme des épinards, ça a la même couleur et ça a un goût très succulent. Et je pense que ça permet aussi de lutter contre le mauvais cholestérol. On les découpe en petites parcelles et on les mélange avec de la pâte d'arachide. On y met également du poisson salé et parfois même des oignons et des tomates. Et parfois j'essaye de le préparer, mais je n'arrive pas à retrouver la même saveur. Je n'arrive pas à retrouver le même parfum que celui de mon pays natal. Tout simplement parce que j'ai l'impression aussi que la nourriture est très jalouse de la géographie. Le romancier Alain Mabankou, franco-congolais, hein, qui a grandi à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Stéphanie Schwarzbrode, ce témoignage d'Alain Mabankou aurait pu figurer dans votre livre « La cuisine de l'exil ». Un goût, une saveur, une recette de cuisine, ça peut être un excellent moyen de garder un lien avec son pays natal. Exactement, pour peu qu'on puisse trouver justement les ingrédients. Et ça me faisait penser à Nido, qui est la femme rwandaise de mon livre, qui me parlait des lenga-lenga, qui avaient le même goût que les épinards. Donc je me disais que c'était peut-être ça, lenga-lenga. Ouais. La géographie est jalouse de ces recettes et de la cuisine, disait Alain Mabankou. Vous avez aussi ce sentiment que parfois les plats ne sont jamais aussi savoureux qu'à l'endroit où on les a cuisinés pour la première fois. Alors c'est vrai que Yamina me racontait par exemple que parfois elle faisait vraiment la recette habituelle et ses enfants lui disaient non, c'est pas pareil. Et c'était simplement parce que les fruits, les légumes, la viande ne venaient pas exactement de Kabylie et n'avaient pas le même goût. Et même en faisant exactement la même chose, ça n'avait pas le même goût. Alors les 24 personnes dont vous racontez l'histoire ont quitté leur pays et ont gardez donc ce lien, on l'a compris, avec leur pays grâce à la cuisine. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre qui est sublime? Alors c'est à la fois un livre de recettes et à la fois un livre de récits, parce qu'on découvre avec émotion le parcours de ces gens qui ont voyagé, parfois contraints et forcés, et on se régale en lisant les recettes. Rien qu'à les lire, on se régale. Alors, en fait, sur mon précédent livre, j'avais travaillé sur la cuisine des fêtes religieuses juives, chrétiennes et musulmanes. Et donc, j'avais lu un livre sur le ramadan de Fatema Al, qui est une grande cuisinière marocaine, et qui racontait comment, chaque fois qu'elle retournait au Maroc, elle revenait avec des valises pleines d'épices, de fruits, de légumes. Et c'est cette anecdote qui m'a fait penser à... Enfin, qui m'a donné envie de creuser ça et d'interroger des gens qui viennent d'ailleurs et qui, pour savoir un peu ce qu'ils ramènent et comment ils continuent de cuisiner. Il y a aussi un ami camerounais qui a contribué, qui était là au tout début de la collecte des récits. Lui, alors, il n'avait pas mangé la cuisine de sa mère depuis très longtemps. Depuis 7 ans, oui. Et un jour, c'était un réfugié politique et il a eu l'occasion. Donc pendant 7 ans, il n'a pas pu retourner au Cameroun, il n'a pas pu communiquer avec le Cameroun. Et puis un jour, il a eu l'occasion d'avoir des amis qui prenaient un avion et donc la mère a préparé le plat, elle l'a mis dans une Tupperware, ils les ont amenés et il a fait une grande fête et il a pu enfin manger ce plat qui était du porc épic, je crois, donc du coup vraiment impossible, enfin un porc épic particulier, je sais plus comment ça s'appelait, donc impossible à faire en France et donc il a mangé ce plat vraiment les larmes aux yeux. Ouais, c'est ça. Une bouffée d'enfance qui revient à ce moment-là. Éric Birloez, ce lien avec la cuisine du pays natal, on l'éprouve tous, finalement. Oui, et puis alors là, il y a en plus dans les deux témoignages, celui d'Alain Mabankou et celui de la personne que vous avez rencontrée, on voit bien que c'est certes la cuisine du pays natal, mais c'est aussi la cuisine de la mer, c'est-à-dire les nourritures d'enfance. Ça, évidemment, on n'a pas besoin d'être exilé pour avoir la nostalgie. Et c'est pour ça aussi que ça n'a pas le même goût. C'est vrai que les aliments, les ingrédients sont pas les mêmes, ils n'ont pas poussé toujours dans le pays de départ, mais c'est aussi parce qu'il va manquer cette dimension affective qui est bien sûr très importante dans l'alimentation. Ouais. Stéphanie Schwartz-Rode, vous-même, vous n'avez pas connu ce déracinement, même si votre nom de famille, Schwartz-Rode, sonne un peu ailleurs, mais vous le dites dans votre introduction, vous vous sentez très proche, ce sentiment d'exil ne vous est pas étranger. Oui. Alors, bon, j'ai connu un petit exil, un exil provincial, mais il a été douloureux. Enfin, pour moi, c'était fort de partir de ma province. Ouais. Et je me suis vraiment sentie exilée à c'était Paris. C'était où votre province ? Grenoble. D'accord. Et de venir de Grenoble à Paris, c'était déjà une forme d'exil ? C'était mon exil à moi. Ouais. Et puis je pense, après en y réfléchissant, je pense que l'exil des autres réveille... Enfin, je pense qu'on a tous une part d'exil en nous, qui n'est pas seulement géographique. Il y a toujours une forme d'arrachement à quelque chose et que l'exil extérieur des autres nous réveille ça en nous. Puis si c'est un lien à l'enfance, on est tous des exilés de notre enfance, peut-être un petit peu, on recherche tous cette terre de notre enfance. Stéphanie Schwartz-Rode, vous aviez envie de donner la parole à des personnes venues de pays très différents. Hein. C'est ce dont on s'aperçoit en lisant votre livre, ils viennent des 5 continents avec des profils très divers. Oui, puis alors aussi sur un siècle, ça aussi c'était important. Ça traverse le siècle, donc ça traverse l'histoire. Hein. Et les petites histoires nous racontent la grande histoire. Et donc, on traverse la révolution russe, les pogroms de Pologne, les dictatures d'Argentine et d'Uruguay, la chute de Saïgon, l'indépendance de l'Algérie. Et puis, dernièrement, la crise économique en Grèce, les guerres en Syrie, en Irak, et puis la misère en Afrique. Alors, une rencontre qui vous a marqué, avec laquelle vous ouvrez le livre, c'est Tatiana. Tatiana, c'est une exilée russe. Hein, oui. Le déracinement a eu lieu dans les années 1920. Elle est arrivée en 24. Elle est née en 22 sur le chemin. Elle est née dans un camp en Allemagne. Et elle est arrivée à 2 ans en France. Alors, comment a-t-elle vécu son exil ? Eh ben, surtout l'exil de ses parents, finalement. Voilà, oui. Non, le sien aussi, parce qu'elle a écrit un très très beau texte sur son enfance et son exil. Et donc, elle raconte, c'est très beau la façon dont elle raconte à quel point sa culture russe, qui en plus, sa mère était orthodoxe, et comme elle habitait dans une petite chambre et tout ça, elle l'a mis en pension chez les catholiques. Donc elle avait à la fois une culture russe orthodoxe et elle vivait toute la semaine dans une pension catholique. Et donc à quel point c'était compliqué pour elle c'était vraiment des petites portes, quoi. Il fallait ouvrir la porte de la culture russe. Et puis, dès qu'elle arrivait à la pension, elle fermait la porte et elle ouvrait la porte. Et les deux avaient du mal à s'embrinquer. Et son fils, Tatiana, Nicolas, donc c'est la deuxième génération. Voilà. Lui aussi, hein, il porte encore cet exil en lui, alors de façon peut-être plus distanciée, mais il en a quand même un souvenir. C'est-à-dire que lui, il a vraiment vécu dans Little Russia de Paris, avec un père prêtre rue d'Aru et une communauté russe vraiment très soudée. Donc il a eu la sensation que lui aussi, il a été partagé entre la culture française. Pendant très longtemps, en fait, il n'a parlé français qu'à partir de 5 ans. Mmh. Jusqu'à 5 ans, il ne parlait que russe. Et alors qu'il est né en France de parents qui étaient arrivés depuis très longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a comme ça ce partage entre deux cultures. Et puis la sensation aussi, de quand il raconte, quand je fais la cuisine, ce sont tous mes ancêtres qui font la cuisine avec moi et je retrouve comme ça quelque chose de... Un aperçu de ce que l'on peut manger autour d'une table russe, à Paris notamment, dans le restaurant russe Zakouski. Je suis en train de manger des ravioles avec de la viande à l'intérieur et ça baigne dans un bouillon avec de l'aneth et de la crème fraîche. Et avant, on a mangé du borscht à la betterave, qui est aussi polonais, russe et polonais. Il y a une variété. On vous sert des pliémeni, on vous sert des ravioles, on vous sert des tas de choses qui pourraient ressembler à la cuisine d'Europe centrale en général, et parfois même d'Europe méridionale. Mais c'est surtout aussi les saveurs de l'enfance, la qualité de la cuisine, mais surtout l'âme russe. J'ai grandi dans le cercle russe de Paris, qui était le cercle de l'immigration russe blanche, puisque moi, enfant, je mangeais déjà la kasha avec les boulettes de viande que me préparait ma grand-mère. Nous étions dans le restaurant russe Zakouski à Paris avec Nicolas et Fabienne Novikov. Éric Birloez, la cuisine est la chose la plus facile à transporter. C'est quelque chose qui se transmet peut-être même plus facilement que la langue d'une génération à l'autre. Oui, alors il y avait eu des études de chercheurs qui avaient montré qu'en tout cas dans certaines communautés de migrants, pas toutes, mais la dernière chose qui restait quand les petits-enfants ou arrière-petits-enfants avaient tout oublié, ils avaient oublié la langue maternelle de leurs grands-parents, ils n'avaient plus du tout les mêmes habitudes vestimentaires, pratiquaient pas forcément la religion, etc. En fait, il restait une chose qui était parfois un plat qui n'était fait qu'une seule fois par an, mais qui était un peu le plat totem, le plat mémoire. Et les enfants, ce que montraient les chercheurs, étaient très attachés à perpétuer cette tradition, alors que pour le reste, ils vivaient comme des adolescents, évidemment, comme les autres. Donc, il y a quelque chose qui est très important. Mmh. Et la notion de transmission, je pense que vous l'avez beaucoup rencontrée aussi, de ces personnes qui disent « si je ne peux transmettre qu'une seule chose à mes enfants, ce sera peut-être pas ma langue maternelle, mais au moins... » une ou deux recettes qui leur permettra de garder la mémoire du pays et de cultiver ce sentiment d'appartenance, des origines. Stéphanie Forsbrod, vous l'avez vu, ce lien de filiation par la cuisine, cette façon de perdurer la tradition, de faire perdurer la tradition. Oui, c'est important. Ben, c'est vrai que, par exemple, j'avais interrogé Anna Karina, qui vient d'Uruguay, qui est arrivée à 8 ans, donc qui est hyper intégrée. Et en même temps, elle me raconte que ses enfants, ben, son fils, il est parti en voyage en Espagne avec sa boîte à maté. Comme pour montrer que lui, c'était un Uruguayen et qu'elle sent que ses enfants se posent encore la question de qui... leur appartenance à l'Uruguay est encore très fort, alors qu'ils sont nés là, qu'elle est là depuis très, très longtemps. La question de la double culture. Mmh. Alors, pour finir sur Tatiana et la Russie, puisque, alors, chaque récit est accompagné de 5 recettes de cuisine qui donnent l'eau à la bouche. Pour Tatiana et la Russie, vous nous en proposez une des 5? Oui, alors, le caviar d'aubergine, qui est un peu différent du caviar d'aubergine qu'on peut trouver dans les pays du Sud. Là, c'est fait avec de l'huile de tournesol, 5 cuillères d'huile de tournesol, 5 cuillères à soupe, 1 kg d'aubergine, un gros oignon, 500 g de tomates. Pour faire vite, on met les aubergines au four, on les laisse se friper, cuire, on racle la chair et on le hache finement avec la chair des tomates dont on aura préalablement enlevé la peau, les oignons qu'on aura coupés en tout petites rondelles, sel, poivre et les 5 cuillères d'huile de tournesol. Est-ce que vous nous autorisez à mettre cette recette en ligne sur la page Facebook et la page de France soucis. Inter. Pas de voilà, soucis. Comme ça les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de noter pourront se faire le caviar d'aubergine à la russe. On s'intéresse aux voyages de personnes venues de loin qui ont gardé un lien avec leur passé grâce aux recettes de cuisine de leur pays d'origine. Le temps d'un bivouac savoureux sur France Inter. Et si vous voulez partager avec nous des recettes de cuisine venues d'ailleurs, nous sommes preneurs sur la page Facebook du temps d'un bivouac. Ça manque de sangliers et de cervelles ici. Bon, l'appétit vient en mangeant. Le temps d'un bivouac sur France Inter. La mariée Vagalam, c'était Film Noir sur France Inter. Une galette de pain, qu'on fait beaucoup en Algérie d'ailleurs et dans ma famille. Alors en Kabylie, on appelle ça Haroum. C'est un pain qui est à la fois un petit peu croustillant et un petit peu dur en même temps. Donc, et quand il est bien fait, justement, c'est un savant mélange entre les deux. Parfois, ça se fait avec de l'huile d'olive, donc on sent aussi un petit peu l'odeur de l'huile d'olive. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'après, ça peut avoir un parfum qui est un petit peu trop fort. On le mange parfois avec des petites salades, par exemple, de poivrons ou avec des œufs. Enfin, ça se mange avec tout, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je le mange, ça me rappelle toujours les beaux moments que j'ai pu passer en Algérie en famille avec ma grand-mère à la fois paternelle, malheureusement qui est décédée il y a un petit moment déjà, mais et maternelle. Et quand j'étais à l'hôpital et que j'ai accouché de ma petite, la première chose que ma mère m'a dit, t'as besoin de quelque chose? Et je lui dis, ouais, je veux manger ce pain, parce que c'était pour moi une façon de me raccrocher aussi un petit peu à ma vie de petite fille, puis surtout ce sentiment de bien-être un peu sécurisant, parce que je le mangeais toujours dans un contexte familial très très bienveillant, très aimant. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, et puis encore maintenant, ma fille qui est assez petite, pour le goûter, on préfère presque manger un petit bout de ce pain-là plutôt que d'acheter une viennoiserie ou un gâteau. Donc, et ben voilà, qui pour moi est toujours un plaisir parce que ça me rappelle des beaux souvenirs d'enfance. Zaya Ziouani, elle est chef d'orchestre de l'orchestre symphonique Divertimento en Seine-Saint-Denis. Et avant d'arriver à Pantin, elle a grandi en Algérie. Elle était interviewée sur France Culture. Et on a là toute l'idée de votre ouvrage, La cuisine de l'exil, Stéphanie Schwarzbrod. L'aspect rassurant et réconfortant d'un plat de son enfance que l'on a besoin de retrouver en plus là dans un moment bien particulier de sa vie, au moment de l'accouchement, qui est un moment fort, qui est un moment très personnel, qui nous renvoie à notre propre enfant, à nous, à nos rapports avec notre famille, nos parents. Mais ça me faisait penser justement à Amir qui vient du Maroc et qui me parlait d'un plat qui s'appelle l'arfissa, qui est un plat qu'on donne aux femmes qui viennent juste d'accoucher et qu'il aime faire, enfin, il aimait faire quand il était petit parce qu'il participait, il fallait couper des galettes pour mettre à l'intérieur et puis qu'il aime aujourd'hui, dès qu'il a une amie qui accouche, il lui amène... l'arfissa. Mmh. Éric Birloez, sur l'Algérie, vous m'avez dit, ça m'évoque un souvenir. Oui, en fait, plutôt une... Je me souviens d'une recherche qui avait été faite il y a quelques années par une jeune chercheure française qui avait étudié les femmes algériennes et qui avait montré finalement quelque chose de très intéressant, c'est qu'elles s'étaient appropriées, venues vivre en France, la cocotte minute, c'est-à-dire un ustensile de cuisine franco-français. À aucun moment, elles n'avaient le sentiment d'avoir trahi la manière de faire le couscous traditionnel, mais il y avait une adaptation. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que la recette, on peut vouloir la reproduire fidèlement, et puis finalement, on ne retrouve jamais le goût, comme on l'a dit tout à l'heure, ou alors on va l'adapter parce que c'est plus rapide. Et donc, on s'inscrit également dans la modernité, dans les rythmes de vie d'une grande ville. Et la cocotte minute, c'est bien pratique pour ça. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je fais le couscous, c'est la maison. Ben justement, Yamina, qui vient de Kabylie, me racontait qu'elle mettait de la coriandre et du ras el hanout partout. Mmh. Et donc, elle fait des lasagnes à la coriandre et au ras el hanout. Alors, l'Algérie est d'ailleurs représentée dans votre livre. C'est Pierre, votre beau-frère, qui a quitté l'Algérie quand il était enfant. Et lui aussi, vous avez remarqué qu'avec ses nièces, il avait une volonté de leur transmettre ce goût des recettes de l'Algérie. Oui, ça m'avait frappé parce que, en fait, la première chose qu'il a fait, donc quand ma sœur est rentrée de l'hôpital avec leur bébé, c'est qu'il a, la première endroit où il l'a emmené, c'est dans la cuisine, et il a trempé son doigt, une épice, ça, et il lui a fait goûter. Et il disait, chaque jour, je lui faisais goûter une saveur différente. Et en fait, dans le livre, il fait le lien, mais bon, c'est assez beau quand même, c'est avec les chiens truffés, le truffier. En fait, la première chose qu'on met sur la mamelle d'une chienne qui vient d'accoucher et qui va nourrir son bébé chiot, c'est de l'huile de truffe pour qu'il soit à la recherche de ce goût-là, de cette saveur-là. Voilà, pour qu'il il puisse chercher les truffes après. Alors, comment vous les avez sélectionnées, les 24 personnes que vous avez rencontrées pour cet ouvrage, La cuisine de l'exil, Stéphanie Schwarzbrod? Alors, j'avoue que l'idée, c'était quand même qu'il y ait les 5 continents, qu'il y ait un équilibre entre chaque. Mais donc, je suis partie tout simplement de gens que j'avais autour de moi, de tous ceux que je connaissais. Après, c'est vrai que... il y avait des pays qui m'intéressaient, enfin, ou déjà des pays incontournables. C'est difficile de faire ce genre de livre sans parler des États-Unis, de la Chine, du Japon, et puis d'autres, des histoires que j'avais envie de raconter. C'est vrai que l'Algérie, je me suis dit, là, c'est vraiment l'exil sans retour, l'exil des pieds noirs. Donc c'était intéressant pour moi de parler de cet exil-là. On voit souvent dans mon livre, ils retournent dans leur pays l'été, justement, ils ramène le coffre plein de victuailles ou les valises pleines de victuailles. Et puis il y en a qui Alors, au-delà de l'Algérie, par exemple, là, une femme syrienne, bah, là, elle ne peut pas y retourner. Mmh. Donc, il y en a qui ne peuvent pas y retourner. Oui. Et, Alors, tous ne sont pas cuisiniers dans l'âme. Certains se sont mis à la cuisine après avoir quitté leur pays. C'est le cas de Timaï. Alors, Timaï, elle est franco-vietnamienne. Mmh. Son histoire est assez émouvante. Hein. On peut prendre quelques minutes pour raconter son histoire. Parce qu'elle a grandi au Vietnam. Un père français qui, très rapidement, après qu'elle soit née, est rentré en France, donc elle l'a quasiment pas connue. Et puis, à 20-21 ans, elle est contrainte de quitter à son tour le Vietnam pour qu'elle, le Vietnam pour rejoindre la France. Pour quelle raison? Bah parce que son père était français, sa mère était vietnamienne, donc elle était eurasienne. Et Ho Chi Minh ne voulait pas de s'en mêler. Donc tous les Eurasiens ont dû partir et donc elle s'est retrouvée dans l'avion pour la France, sans connaître la France, parlant un petit peu français, mais avec son mari qui lui est vietnamien et avec une toute petite fille, un bébé qui vient de naître. À ce moment-là, elle arrive en France. Là aussi, il y a beaucoup de pudeur avec laquelle elle vous raconte ça, mais elle arrive, elle a gardé le contact avec sa grand-mère paternelle, elle va voir le peu de famille qu'elle a en France. Sa grand-mère paternelle l'accueille avec beaucoup de gentillesse, mais par contre, elle ne lui propose jamais de voir son père. Ouais. Et elle n'ose pas lui demander. Pendant dix ans, par pudeur, par peur que l'autre ne se désintéresse, aussi bien du côté du père que la fille, ils ne vont pas se voir. Et ils vont enfin finir par se voir au bout de 10 ans, ils vont se tomber dans les bras. Voilà. C'est un passage de votre livre qui m'a donné la chair de poule. Elle vous a raconté aussi son lien à la cuisine, et c'est amusant, Timaï, parce que quand elle arrive en France, finalement, ce n'est pas une grande cuisinière. Elle n'a pas vraiment ce sens de la cuisine. Mais par contre, pour elle et pour les amis français qu'elle se fait, elle va se mettre à la cuisine, elle va demander à sa mère de lui envoyer des recettes. Oui, puis elle lui demande des recettes de plus en plus difficiles. Quelqu'un lui donne un arbre, je sais plus, avec des feuilles de lotus ou de bananier, je sais plus. Elle vit dans le sud, donc qu'elle arrive à faire pousser pour pouvoir faire ses recettes. Et c'est vrai qu'elle demande des recettes de plus en plus difficiles et on sent qu'effectivement, pour elle, ce qui est important, c'est le partage, c'est de donner comme ça à ses amis français, de leur faire découvrir la cuisine vietnamienne. Et c'est vrai que la cuisine vietnamienne est d'une richesse en saveurs incroyable. Je laisse le soin à une vietnamienne de vous mettre l'eau à la bouche en vous donnant l'une des spécificités qui fait la richesse de la cuisine vietnamienne. Les herbes, déjà. La cuisine vietnamienne est vraiment aromatisée avec des herbes crues. On utilise très peu d'épices sèches et donc tout vient avec ce panier d'herbes fraîches. Et quand on est en Amérique, surtout dans les années 80, il y avait très peu de ces herbes qui étaient exportées ou cultivées. Aujourd'hui, évidemment, on en reçoit tous les mois, mais même là, quand les herbes arrivent par avion, elles n'ont pas la même intensité. La même saveur. Oui, et aussi la même diversité. Vous voyez, au Vietnam, c'est des paniers de 15 herbes différentes, au moins qu'on vous sert en même temps pour accompagner tout, n'importe quel plat. Et ce sont des mélanges un peu différents. Et donc, une bouchée à une autre, vous ne mangez jamais le même plat. Et donc, mon plat préféré, encore aujourd'hui, ce sont des rouleaux printaniers. Des rouleaux de printemps. Et donc, dans les rouleaux de printemps, normalement, il y a 6 herbes différentes, au moins, au Vietnam. Donc, déjà, au niveau des lèvres, vous avez un goût. Et quand vous commencez à mâcher, là, vous mélangez les herbes. Donc, il y a une certaine fusion de tous ces parfums. Et puis après, quand on avale, ben, il reste le bouquet de parfums qui se dégage comme ça dans le fond de la gorge. C'était l'écrivaine Kim Try qui a quitté le Vietnam à la chute de Saigon. Elle aussi, l'interview était enregistrée et diffusée sur RFI. Ça rappelle aussi un peu ce qui s'est passé pour Timaï, ce départ, avec toujours ce problème pour trouver exactement les ingrédients de notre enfance, parce qu'évidemment, on ne trouve pas tout partout. Alors, heureusement, de plus en plus, on trouve tout partout, même parce que dans mon livre, il y a aussi un index avec des épiceries et notamment des épiceries en ligne. Et j'étais étonnée, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'épiceries japonaises, africaines, chinoises en ligne. Donc finalement, même au fin fond d'un village perdu, on peut trouver des ingrédients et se les faire envoyer. Ouais. Alors, Stéphanie Schwarzbrod, la recette, elle vous en en a donné 5, hein, oui. Tima. Il y en a une, alors, je crois, qui vous plaît particulièrement. Il y en a une que j'adore, c'est le porc au caramel. Oui, alors c'est quoi? Comment on cuisine un porc au caramel? Alors, il faut 1 kg de poitrine de porc, 4 œufs durs, 100 g de sucre, 50 ml d'eau pour le caramel, plus 300 ml d'eau, 50 ml de sauce Gnocman, 3 gousses d'ail, 2 oignons, 5 civettes et du poivre. Donc, il faut préparer un caramel en faisant fondre le sucre à sec dans une casserole et en rajoutant de l'eau chaude. Puis réserver, on fait revenir donc le caramel qui est le caramel, les poitrines de porc qui auront été coupées en tranches assez épaisses, et on les fait revenir dans une cocotte, et ensuite on rajoute le caramel, l'ail, les oignons, les civettes, l'eau, le poivre et la sauce Gnocman. On laisse cuire 1h10, on rajoute des œufs durs à la fin et on saupoudre de civettes pour servir. C'est à tomber par terre. Et celle-là aussi, on en fait cadeau aux auditeurs. On la mettra sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Je rappelle que la page Facebook est consultable par tous les auditeurs, même si on n'a pas de compte Facebook. Éric Birloise, on entendait que Timaï s'est mise à la cuisine pour partager avec ses amis français. Oui, c'est à la fois évidemment pour se relier à ses racines, à son pays natal, mais aussi pour faire découvrir sa culture. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que finalement la cuisine, c'est un excellent véhicule de communication quand on veut dire quelque chose aux autres du pays d'où l'on vient. On peut évidemment raconter beaucoup de choses, mais on peut faire un plat de son pays et on est vraiment dans la dimension de découverte et de partage. Oui, puis c'est une façon de donner aux autres aussi. C'est vrai que quand on arrive en n'ayant pas grand-chose, on peut donner quelque chose en donnant sa cuisine, faire goûter sa cuisine. Éric Birloise, ces personnes contraintes à l'exil ne sont pas spécialement cuisiniers de profession, mais souvent, en tout cas dans un premier temps, ils prennent ce métier-là. Oui, alors ça on le voit beaucoup, effectivement, dans des populations venant de pays et de continents différents. Finalement, les métiers de l'alimentation sont des métiers, alors on pourrait dire la même chose des métiers du bâtiment, mais ça va être plutôt pour les hommes. Mais les métiers de l'alimentation, alors c'est soit on ouvre un petit commerce avec quelques produits ethniques, parfois pour sa propre communauté, ou alors évidemment on va travailler dans un restaurant, et parfois en faisant la plonge, mais ça peut être même le parfois, pas toujours évidemment, le départ d'ascension sociale. Moi, je connais un jeune chef libanais qui est venu en France au mois de mars, il y a bien longtemps, qui a dormi sur le Champ de Mars d'ailleurs. Et le premier job qu'il a trouvé, c'est de faire la plonge dans un petit restaurant. Il était passionné de cuisine et il est devenu le premier chef libanais étoilé. Donc, il y a des trajectoires sociales grâce à la cuisine qui sont extraordinaires. Nous allons voir comment ces migrations entraînent de savoureux métissages culinaires et enrichissent notre gastronomie dans la suite du Temps d'un Bivouac sur France Inter. Oh, C'était Karangaili Karaouva, Yat Ka sur France Inter, le temps d'un bivouac. Oui. Et donc ça va juste. On va goûter deux types de viande, deux types de cuisson au sel, cuisson au confit, et de saveurs différentes. Avec du mousse de damas, nouveau petit pois. À côté, il s'appelle Mohammara, c'est du noix. Et la pâte de poivron. La sauce, c'est à la base de estragon et le petit pois aussi. D'accord. Le bœuf, tel que vous le faites là, c'est une cuisson que vous feriez en Syrie ou c'est une invention? Non, en Syrie, on mange chaque chose dans un plat différent. Donc j'ai fait le mariage entre deux recettes. Pour goûter les deux goûts différents d'un même plat. Et maintenant, sur le planchard, on fait griller pour ajouter un petit peu de croustillant autour. Donc on mange très fondant au cours, très très fondant, très très cuit, comme le beurre. Et autour, on va avoir un petit crispy couché autour. D'accord. Nabil, un chef syrien qui tient le restaurant Marenge à Orléans et dont la cuisine est largement inspirée de son pays, hein, on l'a entendu, mais il fait un peu évoluer les choses. C'est ce que vous nous disiez, Eric Birloez, cette volonté de garder ses goûts et en même temps de s'adapter, évoluer. Ce qui n'empêche pas effectivement une adaptation. On aurait tort de considérer que la cuisine est quelque chose d'immuable. Ça évolue, et ça évolue évidemment dans tous les sens, puisque nous-mêmes, dans notre histoire, nous nous sommes appropriés des plats, des recettes, venant d'ailleurs penser aux pâtes, pensez à la pizza, pensez même au couscous qu'on évoquait tout à l'heure, à la paella, sont des plats ethniques originaires d'autres régions et qui sont aujourd'hui considérés par les Français comme faisant carrément partie de leur patrimoine gastronomique. En tout cas, ce sont parmi les plats les plus appréciés. Ouais. Alors, par exemple, dans mon livre, il y a une recette de tiramisu à la salade d'orange marocaine. Ouais. Donc un tiramisu à l'orange, à la fleur d'oranger et à l'eau de rose. Voilà, on trouvera ça dans votre livre, hein, Stéphanie Schwarzbrod, La cuisine de l'exil. C'est donc une cuisine mise au point par un Marocain, hein, oui, celle-là. Oui. Ouais. Toutes les personnes que vous avez rencontrées ont dû s'adapter, Stéphanie Schwarzbrod. Vous avez été surprise, impressionnée par leur capacité d'adaptation? Bah oui, surtout, mon idée c'était aussi d'avoir des gens, donc autant d'hommes que de femmes et autant de personnes, enfin des personnes qui étaient arrivées à des âges différents, enfants, jeunes adultes ou un peu plus âgés. Et c'est vrai que plus on arrive tard, plus c'est dur. Enfin, certaines ont été déçues, hein, elles ont dû se remettre un peu de leur déception. C'est le cas de Maria. Elle a grandi en Slovaquie. À 10 ans, elle était absolument amoureuse du Comte de Monte Cristo. Oui, qu'elle a lu 50 fois. Et puis, elle pensait ne jamais pouvoir venir en France. Puis, le mur de fer est tombé. Alors, elle se dit, je vais aller en France, je vais vivre mon rêve. Elle arrive à Paris, porte de Bagnolet. C'est un peu la douche froide, là. Oui, c'est sûr. Mais elle arrivait de Prague, donc elle pensait que Paris était Prague multiplié par 10. Et effectivement, déjà, la porte de Bagnolet, grosse déception. Ensuite, elle n'a pas du tout aimé les grands boulevards haussmanniens. Mais en même temps, elle disait, ah oui, mais ça, c'est pas bien. Mais en même temps, elle raconte qu'elle a été attrapée par l'énergie de Paris. Mmh. Et elle emploie ce mot, j'ai été niaquée par Paris, par cette énergie qu'on ne trouve pas ailleurs et qu'elle ne trouvait pas dans son pays. Et elle est restée parce que malgré tout, elle s'est fait attraper par cette énergie. C'est aussi ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que ces 24 hommes et femmes que vous avez rencontrés nous renvoient un miroir. Ce sont des observateurs de notre pays à nous. Et ils n'ont pas tous le même regard, hein, d'ailleurs. Non. Ouais. Oui, une anecdote qui me fait rire, c'est Israël, le Mexicain, qui arrive à Paris, puis qui sort dans la rue et puis voit tout le monde en noir. Il appelle sa mère. Il dit, oh, je sais pas, il doit y avoir un grand deuil national, ils sont tous en noir. Et en plus, chaque fois que je le croise, je suis habillée en noir. Oui, c'est ça. On s'habille parfois en noir juste parce qu'on a peur de la couleur. Grâce à l'avenue de ces personnes venues avec leurs recettes dans leur bagage, notre patrimoine culinaire s'est enrichi. Et le phénomène n'est pas nouveau. Parmi les plats dont les Français raffolent, il y a le couscous dont nous parlions et ses infinies déclinaisons. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Un couscous poisson au mérou. De la région de Béjaïa. Le couscous au poisson, c'est de la région de Béjaïa. Je le fais avec du mulet et du mérou. Pour avoir du gras, j'utilise le mulet, parce que le mulet, c'est un poisson très, très gras. Et je mets des pommes de terre, je mets du concentré de tomate, de la cannelle, et du poivron rouge. Du poivron rouge, oui, et du cumin. Voilà. Là, on retourne la tranche de mérou. Voilà. Et de bas. On fait plusieurs couscous aussi, le barbouche en particulier. C'est quoi le barbouche ? Le barbouche, c'est un couscous aux tripes avec des fèves et des haricots mougettes et des pois chiches. Et ça, c'est un couscous plutôt ? C'est un couscous plutôt pied noir d'Algérie et l'est d'Algérie le font avec des boulettes de viande. De l'est à l'ouest, le couscous est différent. Ainsi, au Maroc aussi, ils ont une multitude de couscous. Les Tunisiens aussi, le sud. Par exemple, le couscous poisson du sud est différent de celui de Tunis. Parce que les poissons sont différents. On met plus de poivrons. Il y a autant de couscous que de communes et de mers comme en France. Extrait d'un reportage diffusé en 2012 dans On va déguster de François-Régis Gaudry. Nous étions au Zerda Café à Paris. Éric Birloez, aujourd'hui, le couscous est un des plats préférés des Français. Oui, d'ailleurs avec la pizza, dont nous sommes de bien plus gros consommateurs que les Italiens, ou encore la paella. Et ce qui a été très bien dit dans le son qu'on vient d'entendre, c'est finalement que ce succès transfrontalier du couscous, mais aussi encore une fois de la paella et de la pizza, c'est que ce sont des plats qui sont polymorphes, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un couscous et une seule pizza, une paella et une seule. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter comme on l'aime, comme on veut, avec les ingrédients qu'on peut se payer ou qu'on a sous la main. Et en plus, ce sont des plats de partage, et en plus, ce sont des plats festifs, bien évidemment, et on va tout cuire en même temps. Et donc, on a des caractéristiques qui font que des plats quand même très typés ethniquement au départ, eh bien, ils vont franchir les frontières. Dans le cas du couscous, il y a évidemment l'histoire de la colonisation et tout ça, des réfugiés d'Algérie, etc. Ce sont des plats propices au métissage. En fait. Complètement. C'est ce que vous nous dites. Alors, on finit avec une dernière recette, Stéphanie Schwarzbrod. Une de celles, alors il a fallu toutes que vous les refassiez. Souvent, on ne vous donnait pas vraiment les ingrédients, enfin les quantités, les proportions. Alors, il a fallu que vous expérimentiez tout ça. Vous les avez toutes refaites. Et il y en a une que vous savourez tout particulièrement et que vous refaites régulièrement et qui est facile à faire. C'est laquelle ? Voilà, c'est... Alors, j'essaye de prononcer, mais je dois sûrement très mal prononcer parce que Celti Barskiai, c'est une soupe froide de betterave à la nette. Donc là, pour la saison, c'est parfait. Ça vient d'où ? De Lituanie. D'accord. Donc, il vous faut 350 g de betterave cuite, 2 tiers d'un concombre, une cive entière, 750 ml de kéfir, 2 œufs durs, 1 tiers de bouquet d'aneth. Alors, vous mettez tout ça dans un blender. Si vous avez la chance d'en avoir un, vous appuyez sur le bouton et c'est prêt. Et puis, si vous n'en avez pas, bah, vous vous armez de patience et vous coupez tout en tout petit. Et vous servez ça avec des petites pommes de terre chaudes qui viennent juste d'être cuites. Donc, ça fait un mélange chaud-froid. On va mettre ça en lien sur la page de l'émission. Merci Stéphanie Schwarzbrod. Je rappelle beaucoup le titre de votre livre avec toutes ces recettes et ces récits. La cuisine de l'exil aux éditions Actes Sud. Éric Birloez, vous restez avec nous dans un instant. Vous allez nous emmener à la découverte d'un nouvel aliment qui a fait du chemin pour arriver dans nos recettes et plus particulièrement dans nos desserts. Brother, where have you gone? See you serious, you have become plain martyr, executioner in the name of your absent father, or so you claim. Brother, what have you done? Take a knife and shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or so it seems. 'Cause we need friction. Yes, we need hope. it shall fall. And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades and sing out. Hey sister, where are we heading? Well, lonelier than ever, just look at us trying. This competition is insane. We're all convinced we're losing the game. Or so we're told. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Don't give us time. Yes, we need hope. Give us times and mystery. Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times. Give us times. We need love and innocence. C'était Brothers Song, Lou Doyon sur France Inter dans le temps d'un bivouac, dont la programmation musicale est signée Djoubaka. Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin de richesses vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tubercule, je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée. Et qu'est-ce qu'elle vous dit cette carotte? Oh, c'est surprenant. Éric Birlouez, comme chaque lundi, vous nous racontez l'histoire d'un aliment qui a fait du chemin avant d'intégrer nos recettes et nos assiettes. Aujourd'hui, on s'intéresse à quoi? Eh bien, en cette période estivale où l'on se rafraîchit de crème glacée parfumée, je vais vous parler d'un petit bâtonnet d'une quinzaine de centimètres de long, de couleur noire et surtout très aromatique. Bien sûr, vous avez reconnu la gousse de vanille. Cette gousse, c'est le fruit du vanillé qui est une liane de la famille des orchidées, originaire des zones tropicales d'Amérique centrale. Alors d'où lui vient ce nom de vanille? De l'espagnol, la langue des conquistadors qui l'ont découvert au Mexique au début du XVIe siècle. Alors en espagnol, gousse se dit vaina et vainilla signifie petite gousse. Mais vaina vient lui-même d'un mot latin, vagina, qui signifiait fourreau, étui, et qui en français a donné les mots gaine, vagin et vanille. Alors au Mexique, la vanille était consommée par les dignitaires de l'Empire aztèque. Ils la mélangeaient à leur boisson sacrée, le chocolat. Mais les Aztèques ne cultivaient pas eux-mêmes les vanillés. Ils achetaient les gousses aux Totonacs qui, eux, vivaient sur les côtes du golfe du Mexique. Et alors, il y a une jolie légende à ce sujet. Hein. Oui, une légende Totonac qui raconte un amour interdit, un amour impossible entre une jeune princesse nommée Étoile du Matin et un beau prince. Les deux amoureux sont contraints de fuir, ils sont rattrapés et décapités, et le sang mêlé des deux amants tombe sur le sol et donne naissance à un arbuste vigoureux et à une liane d'orchidées, le vanillé, qui enlace tendrement son amant. Que c'est joli. Alors nous avons donc une orchidée qui donne de jolies fleurs blanches et qui ont un parfum délicieux? Pas tout à fait. La fleur de vanille, en réalité, n'a strictement aucune odeur et la gousse fraîche que l'on récolte non plus. En fait, il faut beaucoup de patience pour obtenir une gousse de vanille au parfum délicieux. Alors déjà, il faut 9 mois, la durée d'une grossesse, pour que la fleur fécondée se transforme en gousse fraîche, et 9 mois supplémentaires pour que les procédés de transformation, d'affinage développent les arômes. Alors revenons à la diffusion de la vanille en dehors de son berceau mexicain. Bien sûr, les Européens ont été séduits par la vanille, ils ont tenté de la cultiver dans leur territoire d'outre-mer, situé sous les tropiques, mais toutes les tentatives échouées. En dehors de son aire naturelle d'origine, le vanillé produisait des fleurs, mais aucune gousse. Alors quelle était l'explication de ce mystère? Eh bien, on ne la découvrira, cette explication, qu'au début du 19e siècle. Dans la nature, la fleur de vanillé, pour donner naissance à une gousse, nécessite l'intervention d'insectes pollinisateurs. Alors ce sont des petites abeilles qui, grâce à leur taille minuscule, j'allais dire leur taille de guêpe, peuvent s'introduire au cœur de la fleur et la polliniser. Or, ce type d'abeille ne vit que dans les forêts d'Amérique centrale. Partout ailleurs, pas de petites abeilles et donc pas de vanille. En 1836 seulement, un botaniste belge va être le premier à réussir sous serre une fécondation artificielle des fleurs de vanillier. Mais la pratique à grande échelle de cette fécondation artificielle a été inventée 5 ans plus tard, en 1841, par un enfant, un petit esclave noir de l'île Bourbon, qui est aujourd'hui la Réunion. Donc le petit Edmond, c'est son nom, il n'a que 12 ans, il a été formé par son propriétaire au jardinage et à la botanique. Il sait que la fleur de vanillier porte à la fois des organes mâles, les étamines qui produisent le pollen, et un organe femelle, le pistil. Problème, ces organes mâles et femelles sont séparés par une languette. En Amérique centrale, c'est pas un problème parce qu'il y a les petites abeilles qui parviennent à mettre en contact le pollen et le pistil, mais pas à l'île Bourbon. Et Edmond a alors une idée. Il va utiliser une épine pour repousser la languette et il rapproche avec ses doigts les étamines du pistil de la fleur et ça marche. 9 mois plus tard, la fleur s'est transformée en gousse. Le petit esclave noir enseigne son geste aux colons de l'île, un geste qui est toujours celui qui est utilisé aujourd'hui. Les planteurs font fortune avec la vanille, mais Edmond Albus, lui, meurt dans la misère à l'âge de 50 ans. Allez, rapidement, on produit la vanille où en 2019, Eric ? Eh bien, le leader aujourd'hui, c'est l'Indonésie qui a ravi récemment la première place à Madagascar. La France est aussi un petit producteur avec les vanilles dites Bourbon de la Réunion et celles très réputées de Tahiti. Entre 2008 et 2018, donc en 10 ans, le cours de la vanille a été multiplié par 10. Elle est devenue la deuxième épice la plus chère au monde après le safran. Raison, c'est que le premier exportateur de vanille, Madagascar, a subi de terribles cyclones qui ont ravagé les plantations. L'offre s'est raréfiée et donc les prix de vente ont explosé. Et d'autant plus que la demande mondiale de vanille naturelle ne cessait de croître et la spéculation sans les donner à cœur joie. Le problème, c'est que cette envolée des prix à Madagascar, elle s'est accompagnée d'une envolée des vols. Et pour limiter ce risque, beaucoup de planteurs malgaches se sont mis à récolter de plus en plus tôt la vanille. Mais ces gousses immatures donnent une vanille de qualité bien moindre. Et par ailleurs, la forte hausse des prix conduit aujourd'hui les industriels alimentaires à se tourner davantage vers la vanille de synthèse, bien moins coûteuse, ou alors à revoir leurs recettes pour utiliser moins de vanille. Alors vous allez nous donner une recette qu'on va mettre sur la page de l'émission, une mousse de champagne à la vanille. Merci Eric Birlouet, je rappelle le titre de votre tout dernier ouvrage, Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale, publié aux éditions Ouest France. À la semaine prochaine. Aloha, auf Wiedersehen. Sayonara et bien d'autres choses encore. Au revoir, monsieur. Demain, nous reviendrons sur la découverte faite il y a quelques mois aux Philippines d'une 5e espèce appartenant au genre Homo. À demain pour de nouvelles aventures et après le journal, Anna Sigalevitch pour le nouveau mag de l'été. Bonjour Anna. Bonjour Daniel Fivet. Au programme, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors au programme, j'espère que l'émission sera aussi odorante et fleurie que la chronique qu'Éric vient de nous faire. On parlera de cinéma avec une jeune femme. Je ne vous dis pas son nom parce que vous verrez, on va d'abord entendre sa voix avant d'entendre de son nom. Une surprise, on va écouter ça dans un instant.